je saurais bien te retrouver. Aussi vrai que la terre est ronde et la route que je prendrai, si on veut me la faire changer, sans hésiter, je me battrai. Je trébuche.